embarqué sur un grand navire. Vite éloigné de mon amour. Voilà ma raison de faillir. Loin de ceux qui te font la cour. Plutôt devenir un ascète et ne plus vivre de souffrance que de refaire ta conquête par des obades sans conséquence. Car Dieu que l'amour et souffrance. Quand il est caché derrière toi, j'ai recherché ton apparence, m'envolant vers d'autres endroits, en abandonnant ta beauté. Traverser d'autres pays. En vain essayer d'oublier celle qui rongea mon esprit. En parcourant la terre entière, j'ai rencontré beaucoup de toi, tes jambes, tes seins, ton cœur de pierre, mais jamais le tout à la fois. En m'en allant de bon matin, j'ignorais que je tournerais. Qu'à repasser dans ton coin et dire que tu m'avais manqué. C'est devant ma semelle usée, abîmée par le désespoir. Et ces continents visiter que je te retrouve ce soir, toi qui n'as cure de mon départ, je le sais, daignant encore me recevoir.